بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 80 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, son livre يعني شرح وصول شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. Et on expliquait au dernier cours la question des Khulafa Rashidin, et on était en train d'expliquer donc chacun d'entre les Khulafa Rashidin, comment ils ont le fait qu'ils sont les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils ont chacun d'entre eux a reçu le Khilafa. Et on est arrivé maintenant à un autre point par rapport à ce sujet, et le cheikh il explique maintenant, il dit وَهَكَذَا كَانُوا فِي الْخِلَافَةِ قَدْرًا وَهَكَذَا كَانُوا فِي الْخِلَافَةِ قَدْرًا كَمَا كَانُوا فِي الْفَضِيلَةِ شَرْعًا. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit que c'est ainsi qu'ils étaient dans le khilafa, yani selon le qadr, dans l'ordre dans lequel ils ont été les successeurs des uns des autres, en commençant par Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali radiallahu anhum. Donc ainsi comme ils se sont succédés les uns les autres dans le khilafa selon le qadar, selon ce que Allah a prédestiné, et chacun d'entre eux, disons, en commençant par le meilleur, hein, et en descendant, hein, parce que Abu Bakr c'est le meilleur d'entre eux, et ensuite c'est Omar, et ensuite c'est Uthman, et ensuite c'est Ali. Donc leur mérite dans la religion, eh bien il suit également leur ordre dans le khilafa, dans le qadar. C'est ça que le cheikh est en train d'expliquer, que leur mérite est dans le même ordre que la prédestination. D'accord. Et on va lire ensemble, on va pas lire, mais oui, on va lire ensemble, mais on va lire l'explication puis la traduction ensuite. Donc le cheikh il dit ici, pour expliquer ce point-là, wa hakadha kanu fil khilafati qadran kama kanu fil khilafa qad ajma'a ahlu sunnati ala tafdil Abi Bakr thumma Umar bidun niza' ثم اختلفوا في عثمان وعلي فمنهم من قال علي أفضل ومنهم من قال عثمان أفضل ومنهم من قال أبو بكر وعمر ثم عثمان وسكت ومنهم من توقف ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد لكن الذي من العقيدة هو الخلافة فإن أهل السنة مجمعون على أن الخلافة بعد عمر هو عثمان على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يختلف أحد في ذلك ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى أيعابه على المهاجرين والأنصار كما جاء ذلك في بعض السلف أو عن بعض السلف بل وقدح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen, il explique pour commencer que les gens de la sunna, le sunnati wal jama'a, ils sont tous d'accord, hein, ils sont tous réunis, il y a un consensus sur le fait que le meilleur dans la umma c'est Abu Bakr et ensuite Omar. Et ça, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de désaccord là-dessus. D'accord. Ensuite, il dit « ثم اختلفوا في عثمان وعلي » Puis ensuite, y a une divergence à propos de Othman et Ali. Parmi eux, il y en a qui ont dit Ali est meilleur et d'autres qui ont dit Othman est meilleur. Et donc, il y en a d'autres qui ont dit Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Othman, puis ils se taisent, ils ne disent pas rien d'autre par la suite. Et il y en a d'autres qui se sont abstenus, hein, c'est-à-dire qui ont refusé de dire quoi que ce soit. Donc, il dit Walakin, par la suite, hein, et par la suite, la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah s'est établie, hein, sur le fait que Othman est meilleur que Ali. Et il dit que l'excellence ici entre Othman et Ali n'entre pas dans la question de l'aqida, mais plutôt dans une question dans la question d'ijtihad. C'est-à-dire, c'est un jugement d'ijtihad en ce qui concerne la question de, hein, de savoir est-ce que Othman et Ali, lequel des deux est meilleur. Donc, il dit cette question-là ne rentre pas dans la question de l'aqida, mais plutôt c'est mimbab al-ijtihad. Il dit toutefois, qu'est-ce qui rentre dans l'aqida, c'est la question du khilafa. C'est-à-dire que les ulama, ils font deux, ils mentionnent les deux questions, la question du khilafa et la question de al-fadl, yani al-fadila. Al-khilafa ou al-fadila, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, al-khilafa, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans le qadar, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné. Il a voulu donc que ce soit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et al-fadila, c'est-à-dire le mérite. Donc les ulama sont tous d'accord, hein, que Abu Bakr et Omar, c'est les meilleurs de cette umma. Ensuite, il y avait la divergence, à savoir, est-ce que c'est Othman ou Ali qui était le meilleur. Et on a dit que certains ont préféré Ali, hein, par-dessus Othman, et d'autres qui ont dit non, c'est Abu Bakr, Omar et Othman, les trois meilleurs. Ensuite, hein, il y en a qui se sont abstenus. Mais par la suite, la question s'est clarifiée et les gens de la Sunna ont tous été d'accord sur l'ordre du khilafa et que l'ordre dans le mérite, c'est le même ordre que dans le khilafa. D'accord? Et donc, il dit le cheikh, hein, que la question donc qui fait partie de la aqida, c'est la question du khilafa. C'est obligatoire que tu acceptes que l'ordre qu'il y a eu dans le khilafa, c'était cet ordre qui est connu, l'ordre que c'était Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et si quelqu'un par exemple il dit non, je crois pas que les khilafa, l'ordre c'était par exemple, Abu Bakr, Omar et Othman, c'est Ali qui devait être le khilafa, qui devait être le khalifa en premier. Alors ça, c'est comme la position des shi'a, hein, position des shi'a, rafida. Et ça, c'est une position qui contredit la aqida, parce que eux, ils renient le khilafa des autres khulafa avant Ali radiallahu anhu. Et donc, il explique que les gens de la sunna sont tous d'accord sur le fait que après Omar, il y a eu Othman, et que c'était lui le khalifa. Personne d'entre eux n'a divergé sur ça. Et il dit quiconque diverge là-dessus, hein, et qui dit par exemple que Ali est meilleur qu'Othman, hein, donc qui prétend que Ali méritait plus d'être khalifa qu'Othman, alors c'est une façon qu'ils utilisent pour essayer de blâmer, hein, ou de critiquer les muhajirin et les ansar, parce que c'est eux qui ont, hein, donné précédence à Othman sur Ali, comme c'est mentionné de la part de certains d'entre les salafs. Donc il dit, celui qui attaque ou qui critique les muhajirin et les ansar, eh bien, et qui prétend donc que c'est Ali qui devait être avant Othman, donc c'est comme s'il il insulte les sahaba, hein, parmi les muhajirin et les ansar, en disant ils n'ont pas choisi celui qui était meilleur pour être le khalifa après Omar. Hein? Et Cheikh, il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ahmad à ce sujet-là. Il dit, قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان. ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلهم لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق لا ولكنهم كذبوا في ذلك ولا غرابة أن يقولوا هكذا لأنهم لا يرون الصحابة لا يرون الصحابة شيئا بل يطعنون فيهم جملة وتفصيلا إلا من استثنوا من آل البيت. Donc le Cheikh il explique, ça va Ibrahim? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il mentionne ici les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui dit, quiconque critique le khilafa d'un d'entre eux, c'est-à-dire d'un des quatre parmi le khilafa Rashidin, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Et il dit, et on sait très bien que celui qui dit Ali, que Ali, radiyallahu anhum, méritait plus le khilafa que Othman, alors en réalité, il est en train d'insulter ou de critiquer le khilafa de Othman. Hein? Et c'est ça qu'on voit de la part des Rafidah. Puisque les Rafidah, le Cheikh dit, ils critiquent et ils attaquent non seulement le khilafa de Othman, mais le khilafa des trois premiers. Abu Bakr, Omar, Othman, les trois premiers, ils considèrent que leur khilafa est un khilafa d'injustice. Hein? Et ils le refusent et ils disent que Ali radiyallahu anhu c'était lui qui était celui qui méritait plus le khilafa. Hein? Ils prétendent que les trois autres avant Abu Bakr, Omar et Uthman sont des usurpateurs. Ils ont usurpé son privilège et son droit au khilafa. Hein? Et ça c'est des mensonges, il n'y a pas de doute. Hein? Et parmi les gens de l'égarement à notre époque qui ont dévié sur cette question-là et qui ont égaré les gens avec leurs propos dans cette question et qui sont malgré tout considérés par certains qui se prétendent sunnis comme étant quelqu'un qui est un exemple ou un prêcheur ou une référence chez les gens des Hizbiyyins en particulier, chez les Ikhwan par exemple en particulier, et ceux qui sont sur leur voie, c'est l'exemple des suiveurs de Sayyid Qutb, puisque Sayyid Qutb, il a écrit des livres dans lesquels il descend, et il rabaisse, et il insulte et dénigre le khilafa de Uthman, radiyallahu anhu. Et il parle du khilafa de Uthman en disant que c'était un trou ou un espace vide entre le khilafa de Abu Bakr Omar et celui de Ali. Donc il dit le khilafa de Uthman, c'est une fajwa, un espace vide ou un trou entre les deux. Ajib, subhanallah. Et il décrit le khilafa de Uthman par toutes sortes de critiques et d'insultes et de dénigrements, et ça ressemble vraiment aux propos des Rafidah. Hein? Les propos des Rafidah. Allah al-musta'an. Et malgré ça, il y a des gens parmi les gens qui se prétendent être sur la sunna, parmi les Qutbiyyin et les Sururiya, ceux qui suivent cette voie, qui vénèrent et qui élèvent cet individu-là, cette personne, Sayyid Qutb, et qui font de lui un réformateur. Hein? Ils parlent de lui comme si c'était un réformateur de l'islam, quelqu'un qui est venu pour revivifier la religion. Et ils parlent de lui, quand ils parlent de lui, c'est comme ils citent l'imam Ahmad et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, hein, Ibn Taymiyyah, puis après il dit Sayyid Qutb. Hein? Donc quand quelqu'un il entend ça, qu'est-ce qu'il s'imagine? Il s'imagine que Sayyid Qutb c'était un grand alim, un grand cheikh, un imam de l'islam. Hein? Et quand tu regardes la réalité des choses, hein, Sayyid Qutb c'est un jahil, parmi les ignorants. Et à la limite, il a mémorisé le Coran, hein, et yani, c'est quelqu'un qui était journaliste, donc il sait écrire, mais ça s'arrête là. Yani. Donc quand il a écrit son tafsir, tu lis son tafsir, c'est un commentaire, il écrit dedans ses opinions et ses pensées, ses sentiments, ses émotions, ses, hein. Mais ce n'est pas une référence dans la religion, ce n'est pas un alim, il n'a pas de livre dans le, il n'a pas écrit de livre dans le fiqh, il n'a pas écrit de livre dans le hadith, il n'a pas écrit de livre dans l'aqidah. Il a écrit ce livre-là pendant qu'il était en prison, il a écrit d'autres livres aussi, mais c'est des livres, de, comme ils appellent, de fiqh, hein, c'est-à-dire la pensée, soi-disant la pensée islamique, la philosophie islamique. Et dedans, il y a plein d'égarements. Et il réunit dans ses livres les idéologies des khawarij, les idéologies des modernistes, des mu'tazila, et des asha'ira, et des shi'a, et des rafida, et de plein d'autres tendances divergentes, et les idées aussi politiques, des idées politiques, économiques, des marxistes, et des socialistes, et de plein d'autres comme ça aussi, plein d'égarements réunis. Et malgré tout, ces gens-là, ils le vénèrent, ils l'élèvent, ils font de lui un exemple, un modèle et un guide. Donc, alhamdoulilah, les ulama à notre époque, et parmi eux en particulier, Cheikh Rabi' qui a fait beaucoup d'efforts pour clarifier ces égarements pour les musulmans, il a vraiment fait un grand travail sur ce plan-là, pour démasquer la réalité de cet individu et faire savoir aux musulmans le danger qu'il représente. Et il y en a d'autres aussi parmi les ulama qui ont fait ça, hein, et qui ont fait un bon travail là-dessus, dans ce domaine. Donc, alhamdoulilah. Maintenant, pour revenir à la question du khilafa, le cheikh explique donc que les rafida, eux, ils critiquent et ils dénigrent et ils insultent, hein, les trois premiers khulafa, et ils disent que Ali c'était lui qui méritait plus d'être le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils se permettent d'insulter et de dénigrer Abu Bakr, Omar et Othman, et de parler contre leur khilafa et de dire que c'était de l'injustice, hein. Et ils ont même inventé des hadiths. Hein? Ils inventent des hadiths. Vous savez que les rafidahs, ils ont leur propre hadith. Ils ont leur propre livre de hadiths. Et c'est des hadiths, en général, ils n'ont pas de chaîne de transmission. C'est juste les paroles de leurs imams. Hein? Comme Usul al-Kafi et d'autres livres comme ça. Et puis, dedans, par exemple, il y a un de leurs livres qui prétend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait... quand il allait vers la Mecque pour aller faire le Hajj, ou au retour, lorsqu'il s'est arrêté le ruisseau de Ghadir, le Ghadir Khum, ils appellent le ruisseau de Khum, qu'il s'est arrêté à cet endroit-là, puis qu'il se serait adressé aux Sahaba et il leur aurait dit mon successeur après moi, ce sera Ali. Hein? Il dit, mon successeur après moi, ce sera Ali. Puis que les Sahaba, hein, ils accusent les Sahaba d'avoir nié ça ou d'avoir rejeté ça, puis d'avoir usurpé le droit de Ali au khilafa et d'avoir donné le khilafa à Abu Bakr injustement et ainsi de suite. D'accord? Hein? Ben oui, mais pas juste Ali, tous les sahaba, ils auraient dit ça. Yani. Donc c'est pour ça que, et le fait, l'affaire en fait, c'est que pour les rafidah, cette question de l'imam, hein, comme ils appellent, eh ben c'est un des fondements même de la religion pour eux. C'est comme un des cinq piliers de l'islam. Ça fait partie de l'islam. Pour eux, là, si tu ne crois pas à l'imam, hein, eh ben, t'es pas musulman, hein. T'es pas musulman. Et donc, yani, subhanallah, pour eux, c'est comme ça fait même partie du shahadatain. Quand quelqu'un, il devient musulman, il faut qu'il témoigne, selon eux, que Ali, c'est, yani, l'imam. Que c'est lui le successeur, et que si tu dis pas ça, t'es pas musulman pour eux. Hein, donc c'est ça, quand ils font, même dans l'adhan, ils ont rajouté ça, dans l'adhan des Shia, ils ont rajouté ça dedans. Hein, et ils en ont fait un des fondements dans l'islam, alors que quand tu regardes les textes du Coran, il n'y a aucune preuve de ça. Hein, et ils disent qu'il y avait un verset dans le Coran qui mentionnait le khilafa de Ali, et que ils disent les sahaba l'ont enlevé. Donc vous voyez comment, jusqu'où ils vont, yani, pour dénigrer et rabaisser et mentir et falsifier les choses. Donc si quelqu'un, il va jusqu'à dire que les sahaba ont changé le Coran ou ont falsifié le Coran, hein, pour nier ça, donc ça veut dire qu'ils ne croient pas au Coran, ces gens-là, hein. Et si eux, ils se disent musulmans et ils se permettent de mettre des doutes sur le Coran, alors vous comprenez maintenant pourquoi les kuffars, ils sont tellement contents avec les rafidahs. Et comment ils sont toujours très proches, et ils sont toujours en train de travailler avec eux. Contre les musulmans, contre les gens de la sunna, à travers leur histoire, c'est connu. Ils sont connus, les rafidahs, pour leur trahison. Hein? Et comment ils ont toujours travaillé et aidé les ennemis de l'islam contre les musulmans. Celui qui avait, par exemple, ouvert les portes, hein, de Bagdad aux Tatars contre les musulmans, c'était un rafidi. Hein. Je pense que c'était At-Tusi ou quelque chose comme ça. C'était un des conseillers du khalifa. Et il a fait une entente avec les Tatars et il a ouvert la porte pour eux. Et c'est ça qui a permis aux Tatars de rentrer, de massacrer, hein, tous les gens, là, donc tous les musulmans. Donc vous voyez maintenant le danger que représentent ces individus-là pour l'islam et les musulmans, Allah musta'an. Donc après il dit le cheikh, walakinnahum kadhabu fi dhalik. Hein, il dit ça c'est pas vrai, ils ont menti dans leurs prétentions. Et il dit, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là disent ce genre de choses, parce que déjà pour eux les sahaba ça vaut rien, ils ne donnent aucune valeur aux sahaba, même qu'au contraire ils insultent les sahaba de façon globale, hein, excepté Ahlul Bayt, ceux qui font partie de la famille, ceux, comme ils disent, hein. Mais sinon en dehors de ça ils dénigrent les sahaba, et ils font même de l'insulte des sahaba une adoration. Hein, c'est une ibada. Pour eux, à insulter les sahaba, c'est une ibada. Ils pensent qu'en les insultant, Allah leur donne des hasanat. Hein. Comme nous, quand on fait des adhkar, on dit subhanallah, alhamdulillah, Allah nous donne des hasanat. Eux, ils pensent qu'en disant, yani, les insultes contre les sahaba, Allah leur rajoute des hasanat pour ça. Hein. Wal'iyadu billah. Donc ça, c'est l'égarement. Hein. Et le sheikh, il dit ensuite, والمهم أن لدينا مسألتين المسألة الأولى الخلافة وأنها على الترتيب الآتي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع أهل السنة بل وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم بل هم الخلفاء على هذا الترتيب والمسألة الثانية التفضيل فقد اتفقوا على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته ويقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وأحيانا يقول ثم عثمان فهم في الفضيلة ك كمراتبهم في الخلافة على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك خلاف قديم في المفاضلة بين علي وعثمان، لكن لم يقع خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر. Donc ici le cheikh il dit qu'il y a deux questions donc importantes, et c'est ça qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure, que le khilafa, hein, il y a la question du khilafa et la question de tafdil, al-fadila. Al-khilafa, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils ont été les successeurs, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'un des autres. Et al-tafdil, c'est-à-dire al-fadila, dans le sens de l'excellence ou de le fait que l'un d'entre eux soit meilleur que l'autre. Et ces deux questions-là, le cheikh dit premièrement la première question qui est le khilafa, eh bien ils sont selon l'ordre qui est le suivant, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali, et ça c'est selon le consensus des gens de la sunna et même le consensus des sahaba radiyallahu anhum, et il n'est pas permis à quiconque de dénigrer ou de rabaisser ou d'insulter le khilafa d'aucun d'entre eux. Il dit que les khilafa sont selon cet ordre. Ça, il n'y a personne qui peut remettre ça en question. Hein? Les gens de la sunna sont tous d'accord là-dessus. Il dit, tandis que la question de at-tafdil, c'est qui le meilleur, eh bien, ils sont tous d'accord sur le fait que Abu Bakr est meilleur, ensuite Omar, hein, et que ces deux-là sont les meilleurs parmi tous les sahaba. Ensuite, même Ali lui-même, radiyallahu anhu, il était, après qu'il soit devenu khalifa, il montait sur le minbar dans la ville de Kufa et il disait devant tout le monde, le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr, puis Omar. Hein? Donc il le disait lui-même. Et il dit parfois, il disait aussi, et ensuite Uthman. Et il dit que ça, c'est, oui, dans la note de bas de page, il mentionne ça, il dit, c'est rapporté par l'imam Ahmad, et Al-Bukhari, il le rapporte dans Kitab Al-Manaqib, le chapitre قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. Et il rapporte selon Muhammad ibn al-Hanafiyya, قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر. Ça c'est Muhammad ibn al-Hanafiyya, vous le connaissez, Muhammad ibn al-Hanafiyya, c'est le fils de Ali radiyallahu anhu, hein? Il est connu pour le ilm et pour sa piété et tout, c'est, hein, un parmi les salafs, mashallah. Et c'est un de ses fils qu'il a eu avec une de ses esclaves. Et on l'appelle Muhammad ibn al-Hanafiyya. Il est célèbre. C'est un tabi'i, mais il est très célèbre. Et il a dit, j'ai dit à mon père, lequel des hommes est meilleur après le messager d'Allah? Il a dit Abu Bakr. Donc Ali radiallahu anhu, il a dit c'est Abu Bakr. Et il a dit, et qui ensuite? Il a dit, et ensuite Omar. Hein? Donc même Ali radiallahu anhu, il reconnaissait ça. Hein? Et ça c'est une autre chose aussi, c'est que parmi les rafidah, on voit que eux ils vénèrent seulement Al-Hussein en particulier. Al-Hassan, ils n'ont pas autant de respect pour lui que Al-Hussein. Et quand tu regardes par exemple les autres enfants d'Ali, comme Muhammad ibn al-Hanafiyya par exemple, il ne le calcule pas. Il y a plein d'autres enfants parmi les enfants d'Ali, il ne les calcule pas. Hein? Donc c'est pour dire, subhanallah, certains ils ont dit, une des raisons pour ça, c'est parce que en réalité, Al-Hussein radiyallahu anhu, il avait épousé une des filles de l'empereur perse, et de cette descendance là qu'il avait eu des enfants avec cette impératrice ou cette, la fille de l'empereur perse ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça que les Shia, ils le vénèrent. En réalité, pour des raisons nationalistes, hein, des raisons de fierté. Hein. Et ça, c'est une des raisons. Bien entendu, ce n'est pas la seule. Hein. Il y en a peut-être d'autres aussi. Mais c'est pour dire, les autres enfants, Ali, il en a eu beaucoup. Hein. Et même une de ses filles, il a donné en mariage à Omar, radiallahu anhu. La preuve qu'il aimait les sahaba, il n'avait rien contre eux dans son cœur. Tandis que les Shia prétendent que Ali, radiallahu anhu, dans son cœur, il cachait sa haine pour les sahaba, et il faisait semblant de les aimer, et il considérait dans son cœur que c'était des kuffars, tous. Ça, c'est la croyance des Rafida. Donc, comment, s'il croyait hein, que c'était des koufars, comment il va le donner sa fille? Ça fait pas de sens. Hein? Et est-ce que Ali, radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire ce qu'il pense ouvertement? Il a peur ou il n'est pas courageux? Il ne va pas dire la vérité? Il va agir comme ça, il va cacher ce qu'il croit vraiment, puis il va donner sa fille à quelqu'un qu'il considère dans son cœur comme étant kafir. Ça fait pas de sens. Tout ça, c'est insensé. C'est complètement absurde. Et c'est pour ça qu'on voit la croyance de Rafida, elle ne tient pas sur rien. Hein? Elle ne tient sur aucune preuve. Aucune preuve du Coran, aucune preuve de la Sunna authentique, et même aucune preuve de la raison. Hein? Après, le cheikh explique et il dit donc Ali radiallahu anhu, il était sur le mimbar de Koufa, il disait le meilleur après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr et ensuite Omar, et parfois il disait et ensuite Uthman. Donc ça c'est leur ordre, hein, dans l'excellence et dans le mérite. Et ils disaient donc ils sont dans le même ordre dans leur mérite que dans le khilafa. Ça c'est la réalité. Et donc la position des gens de la sunna s'est arrêtée sur ça et s'est établie sur ce principe là qu'ils sont dans l'ordre de leur mérite le même que dans l'ordre du khilafa. D'accord. Il dit il y a eu un khilaf ancien sur le fait que Ali et Uthman, il y avait une divergence. Lequel des deux était meilleur? Mais il n'y a jamais eu ce genre de divergence entre la question de Abu Bakr et Omar. Ça, il n'y en a pas jamais eu. Ensuite, le Cheikh dit wa qawluhu wa hakadha kanu fil khilafati qadran wa shar'an. Aydan. Fallahu azza wa jal وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Donc le cheikh il dit donc ils sont dans leur mérite de la même manière qu'ils sont dans le khilafa, hein, selon le qadar. Donc leur préférence selon la sharia, elle est en accord avec l'ordre dans lequel Allah a prédestiné qu'ils soient des khulafa. Donc, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux sahaba le succès de faire en sorte que le khalifa après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali radiallahu anhu. Ensuite, le cheikh ibn Uthaymin, il continue dans le texte, il dit وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie cette phrase ou ce passage? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui qu'appartient la sagesse, hein, parfaite et complète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas laisser les meilleurs siècles, les meilleures générations choisir comme successeurs et comme dirigeants un homme alors qu'il y a parmi eux quelqu'un de meilleur que lui pour être le khalifa. Et le cheikh il explique à ce sujet-là, il dit هذا احتجاج بمقتضى الحكمة فإن قال قائل أليس قد ولي في الخلافة على المسلمين وفيهم من هو خير منه فالجواب بلى ولكن ليس في زمن خير الأمة صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من هو ليس خير الأمة ولكن نحن نتكلم على خير الأمة فما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلا وفيهم من هو خير منه لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل وأما ما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون بكثير من كثير من الشعوب. Donc le cheikh il explique que yani, cet argument là qu'on utilise c'est selon la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a voulu que ce soit les meilleurs parmi les sahaba qui soient les khulafa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cas pour les quatre premiers d'entre les khulafa que à chaque fois ils ont choisi pour être leur dirigeant, celui qui était le meilleur d'entre eux. D'accord ? Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour les meilleures générations de la Ummah. Il dit, mais si quelqu'un pose la question, n'est-ce pas qu'il y a eu dans la succession des khulafa par la suite, parmi les musulmans, parfois certains ont été choisis comme étant khalifa alors qu'il y avait... il y avait en dehors d'eux d'autres qui étaient meilleurs que eux pour être le khalifa. Et le cheikh il répond, il dit certes oui, mais ça c'est arrivé plus tard, hein, c'est-à-dire que c'était pas dans la période des meilleurs de cette umma. Il dit c'est vrai que il y a eu après le khulafa ar-rashidin des gens qui ont été choisis pour diriger dans la umma alors qu'il y avait des meilleurs qu'eux, hein. Et il dit mais nous on est en train de parler des meilleurs de cette Ummah, des premiers parmi les musulmans de la première génération. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas permettre pour ce peuple que Allah a choisi et désigné, il y ait un homme qui soit choisi comme étant leur dirigeant alors qu'il y a une personne meilleure que elle présente, parce que ça c'est quelque chose qui que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas. Mais par la suite par contre c'est arrivé que il y a eu des khulafa alors qu'il y avait parmi les musulmans des musulmans qui étaient beaucoup beaucoup mieux que eux, hein, dans la religion. Ensuite le cheikh il dit, et en même temps on voit même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la gouvernance, les hadiths qui ont été rapportés, beaucoup de preuves qui indiquent que par la suite il y allait avoir à certains moments des gens qui allaient être au pouvoir et qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, hein? Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par exemple dans un hadith qui est célèbre que vous devez écouter aux dirigeants qui va être sur vous, même si c'est un esclave éthiopien. Donc ça veut dire que c'est la preuve que c'est pas nécessairement un imam qui va être de Quraysh, hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-a'immatu min Quraysh, les dirigeants doivent être de Quraysh. Donc tout ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà annoncé ça à l'avance, qu'il y allait avoir ce genre de situation. Après, le cheikh il dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ هَؤُلَىٰ قَدْ يَتَمَيَّزُ بِخُصُوصَةٍ أَوْ بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ولكنه لا يستحق بهذا الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل. Donc ça fonctionne. Ok. Donc les frères qui écoutaient sur la radio là, c'est sûr que là c'est fini pour eux. Mais je vais mettre un message tout à l'heure. Je vais dire, je m'excuse pour ça. Donc pour terminer le point, qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Il dit que nous croyons que ceux d'entre les Sahaba, par exemple, qui, on a dit que les meilleurs d'entre la Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Ceux-là sont ceux qui, en arabe, on dit afdal, hein, celui qui est afdal, c'est-à-dire qui est meilleur. Et celui qui est afdal, c'est-à-dire celui qui est meilleur, et il y a celui qui est al-mafdoul. Al-mafdoul, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui que l'autre est meilleur que lui. Je sais pas quoi. Tu comprends? Le mafdoul, c'est celui qui n'est pas le meilleur. En fait, celui qui est en dessous de celui qui est meilleur. C'est ça, d'accord? Le mafdoul, c'est celui qui est meilleur, il est en dessous de lui. Donc, celui qui est mafdoul, parmi les sahaba, c'est-à-dire les autres sahaba en dehors des quatre khulafa, et en dehors de ceux qui sont meilleurs, c'est possible que certains d'entre eux se distinguent par quelques caractéristiques dans lesquelles ils sont au-dessus des autres. C'est-à-dire que même si on dit par exemple que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali sont les meilleurs de la Ummah, ça ne veut pas dire que parmi les autres sahaba, il n'y en a pas qui, dans certaines caractéristiques, sont peut-être meilleurs que eux. D'accord? Mais ça, c'est des caractéristiques spécifiques. C'est pas le cheikh dit, mais il ne mérite pas l'excellence absolue à cause de cette caractéristique-là, puisque c'est une caractéristique qui est limitée, qui est restreinte. C'est pas une excellence générale. D'accord? Il dit لأن موجبات الفضل كثيرة ومتنوعة. C'est parce que les facteurs qui déterminent l'excellence d'une personne sont nombreuses et diverses. Donc c'est pas juste une seule chose qui détermine qu'est-ce qui fait que quelqu'un est meilleur qu'un autre. D'accord? Et le cheikh il explique ce point-là et il dit, ah oui c'est ça. Il dit que al-mafdoul min ha'ula rubbama yakunu lahu khasisatun yatamayyazu biha an ghayrihi lakin al-fadl al-muqayyad la yastalzimu al-fadl al-mutlaq wa hadhihi al-mas'alatu la budda min al-intibahi laha hatta tazula al-ishkalat ishkalatun kathira. فالفضل المطلق شيء والمقيد شيء فلا يتعارضان ولا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد فمثلا من الصحابة من هؤلاء الخلفاء من له ميزة خاصة فالشيطان يفر من عمر رضي الله عنه ولكنه لم يرد مثل ذلك في أبي بكر رضي الله عنه مع أن أبا بكر أفضل منه وعثمان رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل ذلك لغيره فله ميزة لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر لأن عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه له ميزات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فميزه بالمحبة وبأنه يفتح على يديه وحين سأل عنه قالوا إنه يشتكي عينيه فأمر به فأتي فبصق في عينيه فبرئ فكأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية وقال صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذه خصيصة لم تكن لأبي بكر ولا لعمر ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل منهما على كل حال c'est pas grave. On va traduire. Écoutez bien cette explication là. C'est le cheikh il dit ça a clarifié beaucoup de questionnements. Il dit par exemple que c'est possible que certains parmi les sahaba, si par exemple certains sont meilleurs, hein, c'est possible que parmi ceux qui sont en dessous, il y en ait certains qui aient certaines caractéristiques qui les distinguent des autres. Sauf que ça, c'est des caractéristiques spécifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que, par exemple, l'exemple que le cheikh il a mentionné. Quand je veux mentionner ça, ça va se clarifier. Il dit, faut faire attention parce que ça, c'est quelque chose qui clarifie beaucoup de questionnements et de difficultés pour, parfois certains ont des difficultés à comprendre cette question. C'est que le mérite qui est général ou qui est absolu, ça c'est une chose, puis un mérite qui est spécifique, ça c'est autre chose, et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, le fait d'affirmer un mérite spécifique ou limité, ça ne vient pas en contradiction avec le fait d'affirmer un mérite absolu ou général. Et il dit donc لا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. Donc le fait d'affirmer un mérite général, ça ne vient pas nier non plus le mérite restreint ou limité. Il dit comme par exemple les Sahaba. Hein, comme les Khulafa par exemple, certains d'entre eux avaient des caractéristiques particulières, comme par exemple Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan il fuit de lui, quand Omar ibn al-Khattab prend un chemin, le shaitan prend un autre chemin, mais cette parole là ou cet exemple là, ça n'a pas été mentionné cette caractéristique à propos de Abu Bakr. N'empêche que Abu Bakr est quand même meilleur que Omar, hein. C'est-à-dire que cette caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée à propos de Omar ibn al-Khattab, eh bien, ça ne vient pas en contradiction avec le fait que Abu Bakr soit meilleur que lui. Parce que le fait qu'il y ait certaines caractéristiques qui soient mentionnées à propos de Omar, qui montrent ses mérites, ça n'empêche que si on met en relation tous les mérites de Abu Bakr et tous les mérites de Omar, on arrive à la conclusion que Abu Bakr est meilleur que Omar. Sauf que ça ne veut pas dire que Omar n'a pas certaines caractéristiques et certaines qualités dans lesquelles il est peut-être meilleur que Abu Bakr. Dans certaines caractéristiques, c'est ça que ça veut dire. L'exemple aussi, c'est que le cheikh a cité, l'exemple de Uthman radiallahu anhu. lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a préparé l'armée de Al-Usra, l'armée de la difficulté, c'était une période difficile et il a armé et équipé toute une armée en entier, avec les armes et les boucliers, toutes les choses que le soldat a besoin, c'est lui qui les a équipées, l'armée en entier, avec son argent à lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Uthman, à propos de Uthman, il a dit يعني, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, c'est-à-dire après aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que Uthman il fait, ça ne peut pas lui faire du tort. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce qu'il fait après, ça ne lui fait pas de tort, parce que cette action qu'il a faite est tellement grande et tellement bonne que ça couvre tout qu'est-ce qu'il pourrait faire comme faute ou comme manquement ou comme péché. L'autre exemple aussi, c'est le puits, qu'on appelle le puits de Rouma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui peut acheter pour nous le puits de Rouma et il aura le paradis en récompense. Et Uthman l'a acheté, ce puits-là. Uthman l'a acheté, radiyallahu anhu. Et également, il a épousé deux d'entre les filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est, y a personne d'autre que Uthman qui a ces caractéristiques-là et ces particularités-là. Et le fait qu'il ait ces caractéristiques-là n'empêche que Omar est quand même meilleur que lui. D'accord? Donc, c'est pour ça que, le fait que certains aient des particularités ou des caractéristiques, spécifiques, et que dans certaines choses, par exemple, ils ont des mérites que les autres n'ont pas, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas un mérite général ou absolu plus grand que son mérite à lui. Comme le fait que, par exemple, Abu Bakr Omar soit meilleur que Uthman, malgré les mérites de Uthman. Et l'exemple de Ali radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais donner la bannière ou le drapeau demain à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment, et Allah va lui donner la victoire, c'est-à-dire on va avoir la victoire, Allah va faire en sorte qu'on ait la victoire par sa main. Et donc le cheikh il explique que ça c'est une caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, du fait que Allah aime cette personne et que il aime Allah et son messager, et que Allah va lui donner la victoire. Ça c'est des caractéristiques et des mérites sont importants. Et lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est Ali, et quand ils ont dit oui mais il a mal dans ses yeux, il a mal aux yeux, il a quelque chose, il voit pas bien parce qu'il avait quelque chose aux yeux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amenez-le. Alors ils l'ont amené et il a mis de sa salive dans ses yeux, et à ce moment-là, tout de suite, il a été guéri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux, et à ce moment-là, il est devenu comme s'il n'avait rien aux yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la bannière, et il a dit, va sur ta monture jusqu'à ce que tu arrives devant leur muraille, ou leur forteresse, puis appelle-les à l'islam, et mentionne-leur que il est obligatoire pour eux, mentionne-leur ce qui est obligatoire pour eux parmi les droits d'Allah, et il dit par Allah, si Allah fait que un seul homme a été guidé par toi, c'est meilleur pour toi que tous les chameaux, tous les chameaux rouges de cette dunya. Toutes les meilleurs chameaux. Et après, le cheikh il a expliqué que donc ça c'est parmi les caractéristiques. Ces caractéristiques-là n'ont pas été mentionnées pour Abu Bakr, ni pour Omar, ni pour Uthman, mais elles ont été mentionnées pour Ali radiallahu anhu. Malgré ça, Abu Bakr et Omar sont meilleurs que Ali radiallahu anhu. il dit وكذلك أيضا لما خلفه في غزوة تبوك وجزعة رضي الله عنه وقال تخلفني في النساء والذرية أو كلمة نحوها قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهذه خصيصة له لأنه خلفه في أهله كما خلف هارون موسى في قومه المهم أن الخصيصة المقيدة لا تنافي الفضيلة المطلقة. Donc c'est ça qu'il explique ici. Il dit que lors de la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé Ali radiallahu anhu à Médine. Et Ali radiallahu anhu, il s'est plaint de ça. Il a dit, tu me laisses avec les femmes et les enfants? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa? Excepté qu'il n'y a pas de prophète après moi. Et le cheikh dit ça, c'est une particularité d'Ali radiallahu anhu. Et le fait qu'il l'a laissé avec sa famille, de la même manière que Moussa avait laissé Haroun avec son peuple. Donc il dit, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si un d'entre les sahabas a une caractéristique qui est spécifique, ça ne vient pas nier le mérite général qu'ont les autres les autres sahabas qui sont meilleurs que lui et il dit بَلْ أَعْضَمُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَدْرَكَ أُوَيْسَنَ الْقَرْنِي أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الدُّعَاءِ وهذه الخصيصة لم تكن لأحد من الصحابة أبدا مع أن الصحابة أفضل من أويس فأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أفضل من أويس بلا شك لكن هذه خصيصة له ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو لهم فلا نقول إن هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل. Donc ici le cheikh donne l'exemple. Il dit un exemple encore plus grand que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux sahaba, si vous rencontrez Uwais al-Qarni, demandez-lui de faire dua pour vous. Parce qu'il était mustajab da'wa. Son dua était exaucé. Et ça, c'est une caractéristique de Uwais qui n'a pas été mentionnée à propos d'aucun d'entre les sahaba. Malgré que les sahaba sont meilleurs que Uwais. Abu Bakr, Omar, Othman, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et d'autres sont meilleurs que Uwais, sans doute, sans aucun doute. Mais cette caractéristique et cette particularité-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas mentionné à propos de personne d'autre que Uwais. Il n'a jamais dit à propos d'Abu Bakr ou de Omar ou de Othman ou de Ali ou d'autres, si vous les rencontrez, demandez-leur de faire dua pour vous. Donc on ne va pas dire, ah, puisqu'il a cette caractéristique-là, ça implique que Uwais est meilleur. Non. Donc c'est ça le point en fait. On va s'arrêter ici, puis on continuera la suite de sa explication au prochain cours, inshallah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.